Book 2 خمسون 50 50 في المسبح à la piscine à la piscine الجو حار اليوم il fait chaud aujourd'hui il fait chaud aujourd'hui هل نذهب إلى المسبح؟ Si nous allions à la piscine. Si nous allions à la piscine. هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ As-tu envie d'aller nager? As-tu envie d'aller nager? هل معك منشفة؟ As-tu une serviette de bain? As-tu une serviette de bain? هل معك مايو رجالي؟ As-tu une culotte de bain? As-tu une culotte de bain? هل معك مايو حريمي؟ As-tu un maillot de bain? As-tu un maillot de bain? هل تستطيع السباحة؟ Sais-tu nager? Sais-tu nager? هل تستطيع الغطس؟ Sais-tu plonger؟ Sais-tu plonger؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ Peux-tu sauter dans l'eau؟ Peux-tu sauter dans l'eau؟ أين الدوش؟ Où est la douche؟ Où est la douche؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ Où est la cabine pour se changer? Où est la cabine pour se changer? أين نظارة السباحة؟ Où sont les lunettes de plongée? Où sont les lunettes de plongée? هل الماء عميق؟ Est-ce que l'eau est profonde? Est-ce que l'eau est profonde? هل الماء نظيف؟ Est-ce que l'eau est propre? Est-ce que l'eau est propre? هل الماء دافئ? Est-ce que l'eau est chaude? Est-ce que l'eau est chaude? أنا بردان. Je caille. Je caille. الماء بارد جدا. L'eau est trop froide. L'eau est trop froide. سأخرج الآن من الماء. Je sors maintenant de l'eau. Je sors maintenant de l'eau. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.